Un mouvement, des pensées, le système, une une société société avec des codes, des identités, identités, un enfermement avec une idée de liberté, pensée naturelle bannie du nouveau dessin imposé, aucune fierté. Pour ces lois, aucune fierté d'être soi. Je ne comprends, je ne comprends pas dans quel but tous ces cinémas, tous ces cinémas, illusions et vertiges, le paraître contre le bien-être, le paraître contre le bien-être, déjà vu, déjà dit, les amours dérisoires, société de pas en avoir d'amour, d'amis, d'enfants, de vie, de travail, de voiture, d'appartement, d'argent, de loisirs, de papier, portable, barbecue, TV, information médiatique, à avoir comme les autres, les mêmes tickets, où avez-vous des sentiments? Expression de sentiment. En avez-vous? Faut que je trouve un passage, une liaison vers le là. Faut que je trouve un instant où tout cela s'exécute pour superposition par superposition, conjointement de phase en simultané, symétrique parfaite, trouvant un frottement d'espace-temps, d'espace-temps, les failles, c'est prononcé, la faille, c'est prononcé, via amplifier, amplifier, amplifier, à amplifier, à amplifier.